Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Niveau Supérieur, l'épisode 2 des Enfants de l'ATB. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de podcast, tout ça comme d'habitude. Maintenant que vous connaissez la chanson, c'est même pas la peine que j'en dise plus. Et aujourd'hui, je suis avec Mehdi qui joins the party, qui rejoint la fête. Salut Mehdi. Salut Jordan. Alors excuse-moi, je t'appelle par ton prénom, je sais même pas si. Je t'en prie, y a aucun problème, t'as le droit. Bah, maintenant que mon nom est sur la couverture d'un livre qu'on a fait ensemble, tout le monde le connaît. Ouais, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de t'appeler par ton blaze, mais voilà, tu es découvert maintenant, tout le monde le connaît, donc tu t'appelles Jordan. Mais oui, c'est ça, hein, c'est. Je me suis, j'avais pas pensé à ça, mais ouais, je me suis dévoilé. effectivement. Mehdi El-Kanafi, cofondateur de Third Edition, podcasteur émérite, auteur aussi. Ouais, merci, tout ça. Bah, je crois, hein, si je me trompe pas, peut-être que j'oublie des choses. Non, non. mais ouais, du coup, tu es toi aussi un fervent amateur de JRPG, du coup, bah, ça tombe bien. Justement, au début, toujours dans ce podcast d'interview, on commence un peu comme dans les JRPG par la rencontre avec ce nouveau personnage que tu es, et ensuite avec le moment un peu plus de conflit, où on se rend compte des petites aspérités, et à la fin, l'instant émotion, évidemment. Bah, comme avec tout bon personnage de JRPG, finalement. Et pour commencer à te connaître, savoir où tu te situes, la question basique, c'est quelle classe tu serais, toi, Mehdi, si tu étais dans un JRPG? Alors c'est une question pas évidente parce qu'en fait moi j'ai un kink, moi j'adore dans les JRPG et ça depuis toujours, faire des buffs et des debuffs. Alors moi j'adore défoncer l'équipe adverse à petit feu et moi me rendre plus fort pour qu'une fois que je tape, quand je tape ça tape très fort et eux ils reçoivent beaucoup beaucoup de dégâts. Et je trouvais pas de classe en fait qui était liée à ça, donc j'ai demandé à des potes, j'ai demandé à Tetril hein, que tu connais, qui est spécialiste JRPG aussi. Et donc il m'a parlé du mage vert et du badre en fait, du barde pardon, qui est tout simplement celui qui joue de la musique tout ça. Ouais, c'est ça, j'aurais pas dit barde, moi aussi. Mage vert, je connais pas du tout, mais barde, ouais. Hein. Ouais, barde. Et en fait ça m'a fait penser à moi sur Monster Hunter. Alors j'ai une toute petite expérience dessus, mais j'ai tout de suite joué ce personnage avec une espèce de cornemuse géante qui en fait s'en sert comme massue, mais qui s'en sert surtout ouais, pour buff et des buff tout le monde. Et ouais, moi, mon gros délire, c'est ça, en fait. Donc Bard, hein, on va dire. Ok, Bard, c'est trop bien. Et du coup, tu serais heal un peu dans les MMO si t'en as fait, ou support sur LoL, quoi. T'as envie d'être dans l'ombre et d'aider les gens, quoi. Ouais, alors je sais pas, mais si je veux aider les gens, mais en tout cas, je suis pas du tout MMO, ni enfin tous ces jeux en ligne, j'ai jamais touché une seule fois, une seule seconde, j'ai jamais joué MMO, et je suis pas du tout jeu en ligne non plus, mais c'est surtout... J'aime bien le côté petit à petit et mettre en place une stratégie qui va en fait donner ses fruits que plusieurs tours après. Donc au début, tu as l'impression quand tu joues buff et debuff que tu perds ton temps. En fait, tu perds des tours à pas taper, à te rendre plus fort, à empoisonner, à endormir, à incapaciter, tu vois, tout ça. Et en fait, Ouais. moi j'aime bien, c'est quand c'est la folie quoi, que le personnage, enfin les ennemis en face, peuvent plus envoyer de magie. Tape, quand ils tapent, ça fait deux de dégâts. Tout ça, moi j'aime bien après. C'est Je suis jouissant, d'accord. jouissif à voir. J'ai mis du temps, je pense, à me rendre compte de à quel point c'était fort. Parce qu'au début, comme tu dis, je dis, ah bah, je tape pas en fait là. Mais après, non, tu tapes pas, mais à la fin, c'est trop bien. Donc, c'est très bon choix. Peut-être que je choisirais ça aussi en vrai. C'est vrai, toi aussi? Ouais, je pense, hein. Parce que moi, ce qui m'a marqué, c'est en vrai le boost, le haste de FF10, j'en rêve encore, quoi. Donc. Encore mieux si on peut accélérer les gens et réduire les ennemis niveau timing, c'est trop bien quoi. S'ils perdent des tours, bah, je suis trop heureux. Sur FF13, ça marchait de feu. Ouais, c'est vrai. J'étais très très content. J'adore le système de combat d'FF13, mais d'autant plus parce Pareil. que le buff des buffs fonctionne à merveille. Ouais, si l'ATB n'est pas rouge dans FF13, on a raté un truc, on est Ouais. d'accord. Effectivement. Non, trop bien. Et est-ce que, même un peu type de question, si tu pouvais utiliser dans la vraie vie un objet typique de JRPG, est-ce que tu aurais un objet. Que tu aimerais ramener dans le vrai monde. Alors ça, c'est une question qui est, je pense, très difficile parce que en premier lieu, moi, j'aurais pensé à la queue de phénix. T'sais. Alors, bah, tu peux ressusciter quelqu'un, c'est pas mal. Ah ouais, Mais j'avoue. bon, ça serait trop facile. Enfin, tu vois, à un moment, le cycle de vie et de mort, il est important. Donc, le détourner, Ouais. je pense que ça marcherait pas. Et non, je prendrais, tu sais, un boost d'XP, quelque chose qui te fait gagner instantanément, tu sais, un point ou de magie ou un point de force. Et enfin, retranscrit dans la vie réelle, c'est, je sais pas, des capacités de langue ou peut-être tu pourrais prendre une pilule et avoir tout de suite ou plus de force ou tu sais parler anglais bilingue en une Ah mais c'est pilule. trop bien. Un boost, tu sais, un boost de capacité, quoi. Ouais grave, dans le Pokémon c'est les bonbons je crois, un truc comme ça, ouais, c'est trop bien. Ouais, il y avait une série qui était sur ça s'appelait Limitless, ou c'était un film, je sais plus. Et en fait, c'était quelqu'un, Ouais voilà, c'est qui... un ouais c'est film et série je crois, Ah, t'as c'était raison. les deux? Ouais, c'était les deux. Et ouais, je crois que c'était quelqu'un, enfin c'est un personnage qui prend des cachetons en fait et qui du coup gagne en capacité petit à petit. je trouve que c'est pas mal. Je crois que ça finit mal le film, mais. Oui, je crois. Je crois que c'est Bradley Cooper, et ouais. Je sais pas pourquoi je sais autant de trucs sur ce film, parce qu'il est pas si bien, mais t'as eu de la chance, t'es tombé sur le mec qui s'en souvient, quoi. Oui, merci. Et là, bon, on dirait que je fais un peu des questions au début, hein, tu sais, les questionnaires dans les magazines psycho, là, si t'as tant de triangles, t'es si, et ça. Ah, mais je veux savoir, la fin. Skinny JRPG. Ah, il faudrait que je trouve à la fin, parce que j'ai pas été jusque-là. Et là, si je pose une question plus basique, c'est quoi ton tout premier JRPG? Alors moi, j'ai eu de la chance, en fait, c'est que depuis que je suis tout petit, genre depuis que j'ai 6 ans, en fait, parce que j'ai déménagé, en fait, dans une ville où j'ai grandi, et j'en suis même encore aujourd'hui, à côté de Toulouse, et en fait, à l'époque, j'ai eu un voisin qui m'a initié très rapidement au JRPG parce qu'il était plus âgé que moi. Il avait 4-5 ans de plus que moi, et donc, du coup, à 6 ans, bah, il avait 10-11 ans, mais très rapidement, moi, quand moi j'ai eu 10 ans, bah, tu vois, il en avait beaucoup plus, quoi. Et en fait, il m'a fait jouer à plein de trucs, donc j'ai fait des premiers FF, des premiers Drakoué, mais je veux pas faire l'ancien parce que je m'en souviens pas, en fait. Tout ça, je m'en souviens pas du tout. Il m'a fait jouer aussi sur PC à tout ce qui était CRPG, à des jeux de rôle, donc j'ai failli mal tourner, tu vois. J'ai failli passer côté... j'ai failli passer occidental de la voie. Mais non, en fait, j'ai fini JRPG, mais tu sais, tout ce qui est Ishar, tout ça, j'y ai joué au début. Et donc... je connais même pas, je sais pas ce que c'est Ishar. Ouais, j'ai pensé à Daniel Guichard, mais je pense que c'est pas ça. C'est des vieux trucs de, ouais, de Amiga, tout ça, CPC, je sais même pas. Ok. Ok, c'est pour Patrick Elios. Hein. Ouais, carrément, carrément. Là, il me tuerait, vu l'approximation que je balance. Et, non, le premier que je me souviens et dont j'ai bloqué de ouf, c'est Shining Force 1. Et par la suite, Shining Force 2. Shining Force 2, c'est même le premier jeu. Genre, je me souviens quand j'étais en classe, c'était en 6e. Et je pensais qu'à ça, tu vois. Genre, j'étais en cours, je me vois dans les préfabriqués. Parce que je suis si vieux que moi, j'étais au collège, il y avait des préfabriqués, donc... Ah, j'en ai eu aussi, la fac, moi, mais donc t'inquiète. Le manque de moyens a touché tout le monde. Et je me vois bloqué, je pensais qu'à ça, à Shining Force 2 et tout. Mais voilà, le premier que je me souviens, c'est Shining Force 1. Et c'est mon vrai premier, on va dire. Ok, donc t'as commencé par un Tactical, du coup. Ouais. Est-ce qu'après, t'as voulu en faire plein d'autres? Tu t'es tapé, je sais pas, Tactics, Ogre, tout ça ou... Alors, j'ai des gros manquements niveau Tactics, tu vois, genre FF Tactics, j'ai pas fait, Tactics Ogre, j'ai pas fait, j'ai fait Tactics Ogre 64, mais bien après. Mais parce je savais pas que ça existait. Ouais, mais j'ai... en fait, pendant hyper longtemps, j'ai pas joué en anglais, en fait. Moi, j'étais pro version PAL, en français et tout. Alors, sûrement parce que j'avais la flemme, et du coup, aujourd'hui encore, j'ai pas un bête niveau d'anglais parce que, comme plein de gens, je me suis pas mis dans les JRPG avec l'anglais. Et en fait, j'ai beaucoup joué à tout ce qui était en version PAL et tout. Donc, ouais, Tactics, j'ai un peu ouais, des manquements encore aujourd'hui. Mais ouais, non, j'ai enchaîné après un Tactics. Et aujourd'hui encore, c'est un genre que j'adore de ouf. Et même tous ses dérivés, tu vois, Mario Lapin Crétin 1 et surtout 2. Il était trop bien. J'ai pas joué au 2 encore, mais le premier était trop bien déjà. Ouais. XCOM et tout, ouais. C'est un plaisir. Hein. Ouais, Mario Lapin Crétin 2, c'est mon GOTY d'il y a 2 ans, du coup. Enfin, un an et demi, si on compte. Et ouais, j'ai encore un amour de ouf pour tout ce qui est tactical, et je pense que ça vient de là, ouais. Ouais, je comprends. Moi, j'ai fait un vieux Tactics à l'époque, je sais pas si tu connais, c'était sur PS1, Vandal Hearts, pas si Konami. Connu, mais... Ouais, oh là, toi, tu sais, voilà. Parce que moi, je suis tombé dessus par hasard quand j'étais petit, et ça m'avait marqué. Alors que je pense que c'est pas si bien, mais petit, j'étais trop content, quoi. Donc, ouais, non, Tactics, ouais, celui-là, je le connais, ouais. Et puis, sur PS1, on en a eu plein, on a eu beaucoup de jeux... en Europe et notamment en France, donc c'était vraiment stylé. Et ce qui est rigolo avec le tactical aussi, c'est que c'est souvent un genre qui sert au spin-off. Donc il y a les Pokémon tactical, Cross, Onimusha, Nobunaga, tout ça. Enfin, tu vois, c'est n'importe quoi. Et tous les Tactics, les Vagrant, tout ce qui est pas Vagrant. Il y a un Valkyrie Profile, Tactics. Et tous, en fait, tu regardes à chaque fois les Tactics, c'est des spin-offs. Ouais, il y a un Fallout aussi dans le CRPG. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il y a un Fallout Tactics. Ouais, après, tu peux pousser plus loin. Gradius, il y a Gradius Tactics. Il y a tout en fait. Je savais pas non plus. si, c'est n'importe quoi. Je sais que, ouais, t'as raison, même le JRPG Seigneur des Anneaux dont j'ai parlé dans l'émission, il y a sur Game Boy une version tactique. Ouais. Ah ouais, c'est fou. C'est le genre du spin-off. Ouais. Ah, c'est incroyable. Putain, trop fort. Et est-ce que du coup, ce premier Shining Force, t'arrives à dire c'est mon premier, je l'aime trop, ou est-ce que c'est aussi ton préféré? Ou est-ce que t'as un JRPG préféré en plus de Shining Force? Alors ça va être pénible s'il y a d'autres questions de qu'est-ce que je préfère, mais mon JRPG préféré, c'est pas Shining Force, bien que je le porte très très très très haut dans mon cœur. Après, un peu plus le 2 parce qu'il est quand même meilleur, mais le 1 il est ouf, hein, dans le genre il y a la fin, il y a le héros qui meurt, il y a plein de trucs de dingue dans Shining Force 1, je me permets de balancer pour donner envie parce qu'il a quelques années, donc il y a prescription. Mais non, mon JRPG préféré, moi, c'est FF7, et c'est classique, c'est vu et revu. Mais c'est vrai, oui, j'avais oublié que dans tous tes podcasts t'en parles, en fait, c'est vrai. Mais fut un temps, il y a quelques années, alors c'est un petit peu terminé depuis Remake, mais FF7, c'était, oh, je vais pas dire mal vu de le kiffer, de dire que c'était son préféré, mais c'était vraiment convenu, tu vois. C'était genre, ah ouais, ok, t'aimes bien FF7, genre nul, quoi. Ouais, t'es un ormi, quoi. C'est, ouais, complet, quoi. Alors que... bah, c'est juste le meilleur, quoi. C'est que moi, tu vois, pour le coup, c'est pas le premier JRPG que j'ai fait, et même pas le premier FF, bien que je m'en souviens pas trop. Mais ouais, non, FF7, envers et contre tout, et pour toujours. Et non, non, c'est pour moi le meilleur, j'en ai les meilleurs souvenirs, et c'est une dinguerie sans nom. Et de replonger dans le remake et bientôt dans le Rebirth, bah, j'en peux plus, quoi. C'est trop bien. Ah là, tu dois être trop heureux, en fait, j'avoue, pour le remake et le Rebirth, là, t'es trop bien. T'es trop bien. Ouais, même si, tu vois... Alors tu vois, FF7 c'est le JRPG que tout le monde adule et tout le monde adore, c'est le numéro 1 pour plein de monde, mais ton numéro 1, c'est un petit peu un truc à toi, et là le fait qu'il y a le remake et Rebirth qui revient, tout le monde en parle, il fait la une des magazines, des podcasts, de ce que tu veux, c'est un peu comme si on me le destituait, tu vois, c'est que ça, tu vois, ça redevient la trend. Et je suis, non, mais c'est bon, attends, FF7. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je vois ce que tu veux. En plus, ils vont ressortir Advent Children au cinéma, je crois, cette année aussi. Ouais, donc, ça revient vraiment, partout. Ouais. Ah, on va pas te laisser ton petit truc à toi, ouais. Peut-être non. Que tu peux avoir Even Crisis en FF préféré, écoute. Non, ça jamais. Parce que tu vois, Crisis Core, je le déteste. J'aime bien Advent Children, mais Crisis Core, non, je peux pas le voir. Mais, et Dirge of Cerberus, non plus. C'est pas bien non plus, mais c'est pire Crisis Core, tu vois. C'est vraiment, je trouve. Ah ouais, j'ai jamais fait, donc je sais pas. Ok. Bah, c'est qu'il y a des moments du jeu où en fait ils reviennent sur des scènes. De FF7 original, et en fait il est c'est pas qu'il est retcon, mais ils refont la mise en scène, et genre ils te disent, bah, à ce moment là ce que vous avez connu dans FF7 original, mais c'est pas exactement ce qui s'est passé, en fait il y avait un autre personnage qui était caché. Ah. Et genre, c'est Retour vers le futur 2, mais pour FF7, quoi. Voilà, et c'est des persos trop lame, genre Genesis, pour ceux qui connaissent Genesis, tous ces conneries là, mais en fait ils étaient le truc, le chanteur, tout ça, où il y a plus les droits et tout là, c'est ça, c'est Gact, ouais, Gact, ouais. Donc ils ont pas commencé à mettre le doigt dedans là, avec Remake et Rebirth. Ils ont commencé avec le DLC avec Yuffie, où ils commencent à parler de tout ce qui était dans Dirge of Cerberus, mais c'était plutôt bien fait. Donc là, c'est pour ça qu'on est assez fébrile sur Rebirth. Est-ce qu'ils vont déterrer Genesis, Angel et compagnie? Voilà. Waouh. T'inquiète pas, au moment où Aeris prie, il y aura Genesis qui va arriver et tout, ça va être super. Tout peut arriver, tout peut arriver. Et est-ce que du coup, t'as un système de combat préféré? Est-ce que c'est l'ATB de FF7, ou est-ce que t'arrives à dissocier ça aussi? Alors c'est marrant cette question, parce que j'arrive pas trop à la percevoir, c'est le système de combat. C'est par exemple, tu vois, est-ce que c'est les matérias de FF7, ou c'est vraiment ce qui se passe en combat, ce qui se passe avec les tours en fait? C'est une bonne question, ça peut être ce que tu veux. Je sais que moi par exemple, ma réponse c'est le système de tour par tour basique, où il y a des portraits à droite, genre FF10 ou Dragon Quest 11. Ah d'accord, ok, je vois. Parce que non, bah, foncièrement je vais te dire les matérias, et ça va être chiant parce que j'ai souvent te répété FF7, mais techniquement en plus je le trouve ma boule, c'est que il est assez simple de compréhension, et il est pourtant presque émergent, tu vois, tu peux créer des combinaisons de ouf que même les devs à l'époque ils n'avaient pas capté. Il est super efficace, et donc, mais sinon ouais, la TV, si on parle des tours, tour par tour machin, je kiffe bien la TB, je trouve que moi je suis fan du tour par tour, mais ça donne un petit peu de dynamisme en plus, donc ouais la TB, soyons classiques jusqu'au bout, classique. Non mais écoute, t'es le premier, ça tombe bien, parce que la dernière fois avec JB, lui et moi on aimait pas trop la TB, donc au moins tu permets au nom de l'émission d'exister, pas pour rien, pas juste pour un jeu de mots. Donc voilà, ouais. Tu es un enfant de la TB, toi, c'est bon, voilà. Un enfant légitime, le premier enfant légitime. Ouais, voilà, exactement, c'est ça. mais les matérias, t'as raison, c'est trop bien, parce que moi, mon FF préféré, c'est le 9, mais je dois bien reconnaître que les matérias, c'est beaucoup mieux que les compétences de FF9. Enfin, y a pas même de problème, si j'aime bien, j'aime beaucoup les compétences de FF9, parce que j'ai ce délire, moi, de... l'expérience accumulée. Donc tu vois, dans FF9, tu as ton arme, tu vas garder ton arme tant que tu n'as pas acquis la compétence, et une fois que tu as vraiment acquis la compétence, tu peux changer d'arme. Et ce côté classique est basé sur la progression, le sentiment de progression, pour moi c'est hyper important. D'avoir cette sensation de c'est bon, je l'ai acquis, je l'ai compris, maintenant c'est à moi, je change d'arme. C'est tout bête, mais je kiffe. Donc FF9, je te soutiens aussi. Je suis d'accord, en plus il est aussi dans les Tales of ce système, et tu peux parfois bidouiller et mettre deux armes qui ont la même compétence, et du coup ça va plus vite. Donc ouais. Ça, ouais, il y a des réflexions discussion intéressante quand même, moi, je suis carrément d'accord. Et alors, pour ne pas parler que de bagarre, est-ce qu'il y a un endroit dans tous les JRPG que tu as fait où tu aimerais traîner? Ouais, alors, je te dis que j'allais être pénible, parce que moi, j'adore l'hiver, en fait. Moi, mon délire, c'est l'hiver, le froid, se peler, c'est mon truc. C'est pour ça que donc là, t'es aux anges en ce moment, par exemple. Je suis aux anges, j'adore ce qui se passe, mais je suis très malheureux dans la vie, tu vois, parce que quand, en décembre, il faisait 15 degrés, moi, je suis malheureux, et puis la canicule, tout ça, je le vis très, très, très mal. Surtout, tu habites dans le sud, en plus, donc même l'hiver n'est pas si froid que ça. Non, donc je suis très malheureux. Alors évidemment, je pourrais te citer le village glaçon de FF7 non mais pour le vrai, en plus, c'est magnifique, tu vois. Tu vois à travers les quelques fenêtres qu'il y a un feu de bois et tout. Enfin, c'est l'endroit du snowboard, hein, c'est ça? Ouais, le début. Ouais. Ouais, il est cool. Ça me fait péter un câble. Mais bon, pour changer d'FF7, je te dirais bien le village gâteau de Baten Kaitos. Parce que moi, je suis plus team sucre que de team sel. Donc, cette ville qui n'a certes que un ou deux écrans, je crois. Je sais pas si c'est pas deux. Donc, c'est très, très restreint. Mais ça fait rêver. T'es un petit peu avec des petites maisonnettes en pain d'épices et tout. Et donc, dans Baten Kaitos, il y a ce village gâteau qui, je crois, n'a pas de nom. En tout cas, je m'en souviens pas. Je l'ai pas non plus. Mais en plus, il y a deux écrans. C'est pour ça qu'il t'est resté en mémoire, peut-être parce qu'il est tellement rapide que c'est toi qui dois le créer toi-même presque dans ta tête, quoi. Après, on se prenait moins la tête à l'époque, hein, tu vois. On avait deux écrans, on se projetait, on se disait que on se faisait dans nos esprits l'ensemble de la cartographie. Alors que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un regard plus prosaïque sur tout ce qui se passe et sur les jeux. Et si on nous montre une ville ou un village avec une allée centrale et trois alcôves, on va se dire c'est pas réaliste, c'est quoi ce village, où est le tout à l'égout, je ne comprends pas, tu vois. Et on a besoin, de quelque chose de très concret, quoi. Et c'est dommage. Moi, je suis d'accord. Et moi, j'aime bien la période entre les deux. Je suis un déviant. La période de 2008-2009, Tales of Lost Odyssey, où c'est des villes un peu plus grandes qu'à l'époque, mais un peu vides. Ça me plaît. T'as raison, c'est un entre-deux, ouais. C'est carrément ça, ouais. Et ça, j'aime bien. Je sais pas trop, je saurais pas encore l'expliquer, mais je pense que je pourrais. En fait, si, je sais, il y a plus d'écran qu'avant, et je peux me projeter quand même parce qu'il y a rien. Donc il y a de la place, mais c'est moi qui décide. Ah bah là, ils doivent faire ci, là, ils doivent faire ça. Mmh. Alors que non, juste c'est vide, quoi. Mais et t'as ce côté un petit peu histoire. Exactement. Et t'as ce côté un peu désuet où tu vas devoir quand même faire un effort psychologique de te dire qu'est-ce qu'il y a derrière cet écran. Tout. Ouais, non, je suis carrément d'accord. Carrément. Est-ce que tu as un personnage préféré tant qu'on y est? On parle de monde de JRPG, etc. Alors, tu peux en témoigner, c'est pas du tout préparé, en tout cas les réponses, tout ça, parce que moi, ça serait Kame, en fait, de Lost Odyssey. J'ai aucun délire avec Cloud et Sephiroth. Je les trouve classe, mais je bloque pas plus que ça. Non, c'est ça serait Kame de Lost Odyssey. Lost Odyssey que j'adore aussi, c'est vraiment un JRPG que j'aime plus que tout. Mais parce que c'est un rêve éveillé au-delà, tu vois, de ce qu'on dit des Dream Team, même si je crois que t'aimes pas trop ce terme pour Chrono Trigger, mais sur Lost Odyssey, en tout cas, je trouve qu'il est fou parce que moi, mon mangaka préféré, c'est Takehiko Inoue, donc Monsieur Slam Dunk, Vagabond, et donc le chara-designer de Lost Odyssey, et donc Sakaguchi, FF7, en partie, on va dire, et Uematsu derrière pour la musique, et ils ont rassemblé tout ça, tout ce beau monde, pour faire un JRPG, et j'y croyais pas, en fait. Moi, à l'annonce, j'ai fait, mais c'est pas possible. Si j'avais dû faire une mixture moi-même, j'aurais sûrement fait ça. Quoi. Et en fait, ils sont pas ratés. C'est-à-dire que le Odyssey est pas parfait, mais il a quand même des personnages très très forts, même s'il a un antagoniste pas ouf. C'est peut-être le plus gros défaut du jeu, mais quand même son personnage principal qui est un éternel, en fait, un personnage qui ne meurt pas et qui va voir tous ses proches. Décédé, et donc t'as quand même un jeu qui est empreint d'une certaine tristesse. Ouais, et je trouve magnifique. Enfin, je trouve que le design il est trop beau. Je trouve qu'il est trop classe ce personnage. Ah non, trop. Et puis c'est ce qui me rend fou avec ce système. Enfin, il utilise trop bien l'immortalité parce que le peu que j'ai fait, c'est du coup t'as accès à des souvenirs qui te reviennent en tête et c'est des petites nouvelles que tu lis. C'est trop bien comme idée pour un JRPG déjà, des petits moments de lecture. Mais qui n'étaient pas obligatoires. Le moment où je me suis arrêté, ah oui, en plus, mais même en plus, il y a un jeu sur les lettres qui vont vite, pas trop vite et tout. C'est trop bien. Et puis moi, je me suis t'es là, t'arrives, tu croises quelqu'un, tu fais ah merde, c'est ma petite fille, enfin une de mes petites filles en fait. Ah merde. T'es arrivé. Et la meuf est en train de mourir et toi, non, quoi. Je veux dire, t'es arrivé jusqu'à un moment déchirant quand même. Ouais, si. mais c'est trop bien. C'est le gros défaut de ce jeu, c'est qu'il n'est pas dispo facilement, quoi. Non, il n'est pas dispo facilement. Je crois qu'il est rétrocompatible, en revanche. Ah oui, il faut avoir une Xbox, en fait. Si tu as une Xbox Series, avec donc la X, avec le lecteur mécanique, si tu mets le jeu, ça passe. Et donc c'est pas le cas de tous les jeux. Le sort sur Steam, en fait, qui nous dérange pas, et puis voilà, ça serait trop bien. Ouais, il faudrait, faut voir après. Ouais, Sakaguchi avec sa société Miss Walker, là, il va par Mont et par Vaux, il a fait Fantasian avec Apple et tout, donc Je l'ai commencé d'ailleurs, et il y a le même truc de lecture que dans Lost Odyssey. Alors moi, c'est un gros coup de cœur Fantasian. Je l'adore aussi. C'est un jeu qui est en deux parties et qui n'est pas encore sorti sur console. Donc normalement, c'est un deal Apple, mais comme il y a le jeu de Yu Suzuki qui est sorti il n'y a pas longtemps sur console, on peut espérer peut-être qu'un deal similaire puisse arriver. Donc franchement, j'y crois. En tout cas, moi, j'encourage tout le monde à le faire et à toi à le poursuivre parce qu'il est en deux parties. Il est long, hein. Il fait 70 heures à la fin, donc... Ah, j'avais pas compris, ok. Ouais. Il est en deux parties, ouais. C'est deux parties de 30-35 heures. Il va falloir que je rack Apple Arcade, ouais, ok. Ouais, ou alors croise les doigts, brûle un cierge avec moi et on espère qu'il sort sur Switch, quoi. Parce qu'en fait, il est entièrement optimisé tactile. C'est qu'il a été... Ah oui, c'est trop bien, ça c'est vraiment fou, ouais. Ouais, c'est un jeu qui est vraiment moderne, donc il y a un petit peu un délire old school, donc JRPG de l'époque au tour par tour, mais il a une vraie modernité dans son approche du gameplay. Là, quoi. Ce que je viens de débloquer, c'est trop intelligent, c'est tu peux stocker les rencontres aléatoires de côté, et justement sur téléphone, peut-être tu veux jouer vite et t'as pas trop le temps, sauf qu'au bout d'un moment, tu devras battre tous les monstres qui sont stockés en même temps, c'est une tuerie, ah, c'est trop bien. Oh, non, c'est génial. Ah ouais. Et puis il est trop beau, tout est fait en diorama et tout. Ah oui, c'est trop beau, ouais, clairement. Non, c'est Fantasian, c'est que sur iPhone du coup, mais ça vaut le coup, on est d'accord. Et est-ce que on sait où tu aimerais traîner, on sait quel personnage tu aimes, et si toi t'étais un PNJ, ce serait quoi ta phrase? Alors tu serais un PNJ, on va dire quoi? Dans la capitale de l'Empire où on arrive après 10 heures de jeu là, toi t'es un PNJ dans une des rues, qu'est-ce que tu dirais au petit groupe d'aventuriers? Franchement, c'est hyper chaud. Je sais pas ce que je dirais, mais en tout cas, je pense que je donnerai une quête annexe. J'espère que je donnerai une quête annexe, au moins. Ok. Une quête un peu marrante ou un peu nulle, tu sais pas. T'aimerais donner quoi comme quête annexe? Bon, une quête un peu qui va te permettre de comprendre le monde dans lequel tu vis, qui est pas forcément utile et qui va pas forcément en fait te donner un super objet. Bien que non, si, ouais, franchement, faut donner un super objet à la fin, mais qui va un peu te permettre. Tu vois, moi, il y a des quêtes annexes qui sont hyper poussées chez From Software. Alors, on va pas rentrer dans le débat, est-ce que les FromSo, c'est un JRPG ou pas, ou peut-être à la fin de l'émission. C'est des jeux de rôle japonais, en tout cas. Voilà. Ça, on peut le dire. Mais eux, ils ont des belles quêtes annexes qui vont te permettre de comprendre le monde sans forcément être attiré par un objet. Et je sais que dans Sekiro, notamment, il y a tout un pan où, en fait, tu vas apprendre plus sur des personnages, sur tout un univers. Et en fait, à la fin, t'as R, quoi. Mais vraiment, je crois vraiment que le personnage te le dit, quoi. C'est celle des singes, je sais pas si t'en souviens, qui sont dans le ciel, tout ça. J'ai pas fait Sekiro, j'ai vu un let's play. T'as même ce fameux PNJ, hein, qui est potentiellement moi, qui te dit, mais de toute façon, l'aboutissement de ça, c'est que tu comprennes ou que tu sois plus conscient de ce qui t'entoure, et sans forcément chercher tu vois, le bienfait matériel ou pécuniaire. Quoi. C'est l'argent, l'objet, on s'en fout, est-ce que t'as mieux compris? Donc ouais, j'espère que je serai quelqu'un plutôt comme ça. Ah, elles sont trop bien ces quêtes-là, souvent, je suis d'accord, je vois ce que tu veux dire. Il avait dit quoi, JB, le premier invité? Il voulait être le gars à qui tu donnes 4-5 potions parce que t'es pas sûr que tu vas avoir un truc à la 6ème, tu vois. Donc presque l'inverse de toi, en fait. Ouais, mais ceux-là, ils sont particuliers parce que ces quatre annexes-là, tu sais jamais si t'as fini, en fait. Moi, j'arrête. Moi, je donne jusqu'au bout. Et des fois, je me dis, mais là, t'as perdu 8000, quelle monnaie, mais à la fin, tu fais, mais jusqu'à où ça va, quoi. En fait, ce qui est beau dans cette quête-là, c'est ceux qui n'ont pas de fin. C'est que tu donnes pour donner, presque pour le geste, quoi. Je suis d'accord. D'accord. Je sais pas si ça existe, en tout cas. Il y a de quêtes annexes comme ça où à la fin tu peux donner à Vitam Eternam, mais il se passera rien. Je pense que oui, ça doit exister, mais j'ai pas en tête là. Je pense. Peut-être le. Oh si, je pense que tu peux continuer à donner. Je pense que OAK dans FF10, tu peux lui donner tant que tu veux. Ah, peut-être pas. Il se passera rien. Ah, je suis pas sûr. Bon, on va se faire taper sur la tête, donc on ne sait pas. Ouais. Voilà. puisque on parle de JRPG, de personnages, les personnages les plus connus de JRPG, c'est les Pokémon. Est-ce que t'as un Pokémon préféré? Alors moi, vu ce que tu m'as dit sur les bardes et les stratégies, je dirais Bulbizarre, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai compris le Vampigraine et le truc de « Ah, ça prend du temps, mais c'est fort !» grâce à Bulbizarre. C'est exactement ça. Oh, je t'ai deviné. Alors, moi, je suis ultra fan du starter numéro 1, hein, parce que c'est la génération que j'ai connue en premier, je la surkiffe, et aujourd'hui encore, même s'il y a eu 2 ou 3 remakes de cette génération, je m'en fous, en fait. Moi, j'attends qu'une chose, c'est rejouer toujours à cette première gène, qui saoule les vrais, hein, les vrais fans de Pokémon. Oui, la génération 1, ça les saoule, bah, pas moi du tout. Et après, sur ces 3 Pokémon, les starters que j'adore de ouf, je suis pas sanguin, genre le feu c'est pas mon truc, j'ai pas la sagesse de l'eau, et donc du coup ouais, plus les plantes, un petit peu la force douce, c'est que une plante qui pousse c'est long, mais ça peut soulever le bitume, tu vois, quand tu le plantes même à côté d'une route, tu vois. Donc c'est long, ce que tu dis. Mais... et le côté ouais, buff de ouf. Ouais, bah ouais, non mais je comprends. Ça a potentiellement commencé là, hein, je pense, mon Ah non, mais problème. franchement, le Vampigraine, tu comprends, waouh, mais c'est trop fort. Wow. Alors que moi, oui, petit, j'étais, bah attends, c'est pas un rayon laser en fait, qu'est-ce que c'est? Donc ouais, non, non, je comprends grave. Est-ce que t'es pas starter, toi? Est-ce que t'avais donné la Non, première je sais mission pas que si t'avais? j'avais dit. Moi, c'est Balignon, c'est un Pokémon plante de la troisième génération. Je crois qu'il a une tête ronchon. Ça, il m'attendrit. Il a un Ok. sourire à l'envers. Et je lui dis, oh bah alors, mon petit pote, mais qu'est-ce que t'as? Mais qu'est-ce que t'as? Mais Pokémon plante, donc Pokémon la plante, bonne donc ouais. la bonne Ouais, team. bien sûr. Pour la chartreuse verte, ça fait pas de mal parce que c'est à base de plantes. Il y a beaucoup de plantes dans la chartreuse. Non, mais c'est vrai, c'est la chartreuse, c'est la plante, c'est ça qui est bon, c'est sain. La chartreuse, c'est naturel. La chartreuse, c'est écolo, c'est vert. Et ben voilà, et voilà, et ben voilà. Mais on pourrait pas avoir les deux ensemble, du coup. Faudrait qu'on se décide. Et donc, tout à l'heure, j'ai dit, bah, Mehdi, tout le monde te connaît. Attends, faire d'édition quand même, grande maison d'édition, spécialisée dans les JV, la pop culture, nan, mais quand même pas mal de JRPG. Et du coup, est-ce que tu te Beaucoup, ouais. souviens du moment où tu t'es dit que ce genre était assez important pour toi, pour que tu t'y consacres? En plus, je crois que tu t'y as commencé avant d'être pro, tu t'y restais déjà, tu faisais déjà des trucs dessus. Du coup, est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, Ouais. ouais, en fait, si, ça vaut le coup? Ouais, dès le début, hein, nous on a commencé par le Fanzina, on a tout de suite commencé à écrire sur le JRPG. On a eu d'autres aventures avec Serd, professionnels dans le monde de l'édition, où on a tout de suite remarqué que la communauté JRPG était très soudé et très intéressé pour aller plus loin, pour rechercher plus fort, plus loin. Après, moi, j'ai été bercé par tout ce qui est gameplay RPG, tous les magazines de G, Background et compagnie, qui justement allaient pousser le background, allaient un petit peu fouiller au maximum le décryptage dans les JRPG. Et c'est né de là. Donc, nous, on a voulu faire l'aboutissement de ces dossiers qui faisaient 20-30 pages. On s'est dit, qu'est-ce que c'est? Plus que 20-30 pages, c'est 100 ou 200 ou même 300. Donc, c'est un bouquin. Donc, on a mis ses potards à fond et on est allé là-dedans. Après, moi, le JRPG, c'est mon genre de cœur, celui que je préfère aujourd'hui encore. Et mon associé, Nico, il l'aime aussi. Il y joue moins, mais ça le passionne. C'est-à-dire qu'il a la fibre, malgré tout, de s'intéresser au scénario, au système, à tout ça, sans pour autant être autant à balle. Mais bon, il suit quand même l'actu, il joue à quasi autant de JRPG. Donc, c'est moins son truc, mais il a été vachement enclin à dire mais non, mais c'est la bonne direction, le JRPG, c'est quelque chose qui est important. Donc, si on devait aujourd'hui donner une espèce de pourcentage, c'est quasi à 50%, quelque chose qui crée l'identité de Serd, c'est le décryptage et l'analyse des JRPG, ouais. À fond. Ok, trop bien. Mais en plus, je sais pas, comment tu trouves le temps? Parce que tu joues pas que au JRPG, tu joues à plein d'autres jeux toutes les semaines dans Red Alert. Du coup, comment tu fais quoi? Ouais. Alors c'est une question qu'on me pose bizarrement assez souvent, mais il y a zéro secret, c'est juste que j'optimise de ouf en fait. C'est Bon, ta vie est un JRPG en fait. un peu, mais donc et c'est que j'ai peu d'autres loisirs quoi. C'est Ok. que tu vois, je regarde absolument pas de séries. Ok. Les séries, c'est quand même très très chronophage. Oui, J'en clairement. regarde pas du tout. Je vais un peu au cinéma, mais sinon, c'est tout Pas quoi. d'animé non plus, vu que t'es un petit weeb. Pas du tout d'animé. Je lis. Je suis plus en mode papier. Ok. Donc, toujours pareil. Hein. Je veux pas faire l'ancien, mais c'est juste que j'étais plus habitué Oui, bien à ce sûr. format-là. Mais donc, tu vois, le prisme de mes loisirs, il est quand même assez restreint. Donc, comme je fais que du jeu vidéo et que j'ai un temps qui est assez chronométré, où je me dis, je vais jouer de telle heure à telle heure, et ça, tous les jours et de façon contrôlée, finalement, tu arrives à accumuler facilement les heures, et puis tu peux finir au moins plusieurs JRPG. Et là, cette année, ça va être 2024, ça va être compliqué, parce que je pense que je pourrais presque tenir mon hebdo que sur ce sujet. Ouais, c'est clair, il va y en avoir. Ça va être dur, ça va être dur. En fait, c'est ça ton secret, c'est que moi je perds mon temps sur TFT et des jeux en ligne, quoi. Mais voilà, c'est tout. C'est tout. Ah ouais, si tu joues au jeu en ligne, t'es Bah mort, il faut oui, bah pas. oui. C'est ça en fait. Là, je Ah pense que ouais, c'est ça. des. Bah ouais, que des jeux solo en fait. Non, mais. Que des jeux solo. Ouais. Ah, Ah ouais, j'aspire. toujours. J'aimerais être plus. Peut-être faut que je me lance un petit tableau Excel comme toi. Faut que je prenne ton Ouais, il template faut. et que je regarde. Ouais. Je te le ferai passer. Là, on te connaît un peu mieux, la rencontre, c'est bon, on a passé 10 heures avec toi dans le groupe, hein, et Ouais. on va passer au moment où il y a un conflit. Du coup, pour ça, il faut Aïe. que tu nous fasses une transition à la bouche exploration-combat. Thank you. franchement, elle est bien faite. Ah ouais. Ouais, c'est, j'aime bien. maintenant, du coup, le conflit. C'est quoi le plus mauvais JRPG auquel tu aies joué? Oh, elle est dure aussi. Elles sont dures, tes questions. Franchement, elles sont difficiles parce que moi, j'ai une tendance à omettre tout ce qui est négatif et à retenir que le positif. Par exemple, tu vois, FF15, aujourd'hui, j'en ai un bon souvenir, alors que je sais qu'à la sortie, j'étais fâché. Ouais. Et aujourd'hui, j'avais presque une petite nostalgie. FF13, j'ai trop envie de le relancer. Ça fait hyper longtemps qu'on attend cette fameuse trilogie HD qui arrivera peut-être un jour. Ça serait bien. En tout cas, il faut y jouer sur Xbox. Hein. Sachez que si vous voulez jouer à FF13 de façon optimale, il est déjà sur Xbox bien upscalé, tout comme il faut. Mais tu vois, aujourd'hui, j'en ai que des purs souvenirs de FF13, alors qu'à l'époque, hormis le système de combat, j'avais pas compris grand chose et j'avais pas aimé grand chose. Et donc, c'est hyper chaud. Donc, je vais te répondre, le dernier, quasi un des derniers que j'ai fait, c'est One Piece Odyssey que j'ai fait. Oh, j'avais oublié qu'il existait carrément. Oh, waouh! Ah ouais, c'est sorti, ouais. Sorti en janvier 2023, donc ça fait un an tout pile. Et je l'ai donc j'ai passé une quarantaine d'heures dessus. J'ai une drôle d'addiction et malgré tout, il était quand même blindé de défauts, de choses qui saoulent, des allers-retours. T'as jamais vu ça de ta vie, même sur les plus vieux JRPG. Ils te font traîner dans, pour le coup, trois pauvres rues d'une ville et tu vas les arpenter 12 000 fois pour aller chercher. Et pour de vrai, véridique, tu vas chercher une pomme parce qu'il y a un mec qui fait de l'hypoglycémie, quoi. Ah ouais. Je vous jure que ça, c'est vrai. Ça, c'est une vraie quête. et pas une quête annexe, c'est une quête de la quête principale. Ouais, c'est vraiment, il y avait écrit One Piece dessus et ça suffisait, quoi. Ouais, mais il y avait plein de très très bonnes idées qui ont pas été bien appliquées ou mal concrétisées. Et c'est dommage parce qu'il y avait un potentiel quand même derrière. Ah, ça, clairement, je pense que One Piece, ça ferait un trop bon JRPG en vrai, hein, c'est clair. Ouais, il y en a eu plein, hein, franchement. Il y en a eu même sur l'époque Game Boy Advance et tout. Il y en a eu en tour par tour sur One Piece, il y en a eu plein. Ah, je savais même pas. Mais c'est le premier, moi, que je fais JRPG One Piece. Donc celui-là, je le sais pas, je le conseille pas. Okay. Regardez-le de loin, mais je le conseille pas. Ouais. Non, autant se renseigner sur ceux qui sont sortis sur Game Boy, comme tu dis, du coup. Peut-être. Je sais pas s'ils sont sortis chez nous, en revanche. Je crois qu'il y a très peu de JRPG qui sont sortis chez nous, quoi. Peut-être un ou deux. Tu sais que moi, j'ai fait un JRPG Dragon Ball sur Game Boy quand j'étais petit, qui était vraiment pas mal. Je me souviens plus le nom, mais donc ça, ouais, c'est. La Game Boy, il y a eu quelques jeux un peu sympas, étonnants, licence et JRPG, ouais, c'était. Ouais, il y a eu un Senseiya en tour par tour sur NES et tout. Y a Tsubasa en JRPG. Non, les animés en JRPG, on c'est en vrai. A tout le tour du ventre. Et attention, plus dur encore du coup pour toi. Mais après, je comprends que tu n'es pas de, tu retiens pas le positif parce que vu que tu édites beaucoup de lits de JRPG, bah tu vas creuser un peu, etc. C'est normal en fait. Donc, Exactement. Et puis même sur des jeux où j'ai, on va dire, moins d'affection ou moins d'anicroche, quand tu commences à étudier quelque chose entre guillemets, hein, on essaye de faire t'es le premier courant, hein, des livres ludiques et pas pénibles, pas universitaires, pas chiants. Quand tu commences à plonger dans un jeu ou une série, tu vas y discerner du bon et tu vas comprendre un peu ce que les devs ont voulu faire et finalement les défauts, une fois qu'ils sont compris, ils sont plus acceptables et donc ça passe. Ouais, on est d'accord. Ça passe mieux. Mais quand même, Mehdi. Il va falloir, falloir le dire. Faut parler. C'est quoi le FF le plus nul? Franchement, c'est chaud. Et là, pour le coup, bah, je vais botter en touche salement. Hein. Je vais te dire, je sais pas, le 2 ou le 3, tu vois. Le 1, je peux pas parce que bah, c'est la naissance de tout. Et moi, je suis plus ceux qui sont un petit peu scénarisés. Donc, tu vois, le 4, je l'apprécie. Ouais, le 3, le 5, c'est ceux que j'aime le moins, on va dire. Le 5, j'y ai jamais joué, je crois. Je sens que ça va pas m'intéresser. Je vais essayer un jour, mais ça m'attire pas du tout, quoi. Ouais, bah les épisodes où c'est plus des épisodes avec des héros qui ont des jobs pas précis, que tu peux qui sont malléables, que tu en fais un petit peu ce que tu veux, qui sont pas, y a pas une trame scénaristique qui va te mener à un endroit très précis. C'est un petit peu tout ça. Ils sont un peu moins intéressants. Pour les systèmes, ils ont apporté beaucoup, hein, chacun. Mais moi, ils me branchent pas trop. Et puis, toi et moi, on n'est pas des min-maxeurs aussi, peut-être. C'est peut-être juste ça. Hein. Pas trop. Je suis pas trop dans ce délire. Donc, ouais, pareil. Et le pire perso de JRPG? Et ma question complète, c'est qui le pire perso de JRPG et pourquoi est-ce que c'est Snow? Mais bon, t'es pas obligé de. Non, c'est pas Snow, c'est Vanille. C'est pour ça. Ah, ok. Ouais, non, elle me fait péter des câbles, elle. Mais. Même si son arc à la fin, alors je vais pas spoiler la fin de FF13, mais ça avère super intéressant, voire même touchant. Mais ouais, son comportement me rend fou quoi. Après, j'étais déjà peut-être plus âgé quand j'ai joué à FF13, donc j'étais moins dans la tolérance que quand on était plus jeune et qu'on avait tous ces ces archétypes de personnages, oui. Dont certains très très japonais, qui nous dérangeaient pas, qui nous faisaient même plaisir, tu vois, c'était des paysans. Là, Vanny, j'en pouvais plus. Bah, je pense qu'en plus, cet archétype-là, ils ont pas su le gérer en cinématique, quoi. Je pense qu'en pixel, elle serait mieux passée, Vanny, hein, mais là, en cinématique, c'est pas possible. Franchement, j'avais jamais pensé à ce détail, mais c'est carrément ça. Je pense que ça aurait été... Parce qu'elle aurait été déjà un peu moins bavarde. Oui, voilà. Ouais, non, son doublage n'aide pas du tout, hein. On est d'accord, c'est dur. C'est clair. Et puis sa gestuelle, qui oui, voilà, c'est 13, ça. Ouais. Et dans la mise en scène hyper précise, tu vois exactement ce qu'elle fait, tout est hyper bien, enfin tu vois hyper bien designé. Bah en pixel, elle aurait levé les bras quoi. Oui, donc, voilà, c'est ça. Ouais. Et tant qu'on est du coup dans le sum, est-ce que t'as un cliché de JRPG qui t'insupporte Ben, tu vois, j'aurais pu dire ces personnages qui gueulent là, tout le temps, qui sont très expressifs, tout ça. Ouais. Mais bon, Vanny, c'est vrai que je l'ai en travers de la gorge, mais en règle générale, ça me dérange pas. Si je devais donner un cliché, ça serait plus... c'est pas un cliché, mais c'est peut-être une pratique. Et là, je suis plus... Peut-être je vais pas détourner tes questions, j'espère, mais détourner sur les systèmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu commun. C'est que les développeurs se contentent de systèmes de combat qui sont pas intéressants. Et donc, du coup, ils font... Bah, on va vous ajouter une option accélérée x2, quoi. Et ça, ça me rend fou. Parce que ça devient un automatisme. Et ça me rend dingue. Parce que, mais c'est pas que dans les remakes qu'ils font ça. Ils font ça dans des jeux qui sortent maintenant. Et One Piece. Ah, la vache. Ah ouais, parce que... Ouais. Qu'on mette un x2 sur FF3 avec plaisir. Mais oui, si on sort son jeu comme ça de base, bon, c'est qu'il y a un problème. Ouais, ouais, c'est ça. C'est que... Ben c'est, en fait, c'est admettre que c'est un aveu d'échec complet, que ton système n'est pas intéressant, et donc t'es obligé de l'accélérer pour pouvoir le rendre digeste, et non, ça c'est pénible, c'est très très pénible. Ah, ouais. Je savais même pas que ça existait, donc oui, tu m'étonnes que ça soit insupportable, effectivement. Alors, attends, ma question, elle est longue. Ah oui, voilà. Alors, je vais la lire. Au travers de ton boulot d'éditeur, qui a supervisé plein de livres sur le JRPG, dont celui qu'on a fait ensemble, Enquête de JRPG, l'aventure d'un genre, 39,90€. Et aussi au travers de Red Alert, du coup, un podcast hebdomadaire quand même. Constamment, tu dois te renseigner, réfléchir à l'industrie. Est-ce qu'il y a une tendance que tu vois souvent et qui t'agace à chaque fois dans l'industrie, dans le JRPG plus peut-être pas dans les jeux, pas dans le système, etc., comme on vient d'en parler, mais dans comment c'est géré, ou le marketing, ou alors les remakes à foison, je sais pas. Ouais, non, moi j'adore les remakes. Ça, moi, je suis pas... Les remakes, les remasters, j'adore ça. Ça me donne une bonne occasion de jouer à des jeux d'actu, finalement, mais alors que c'est des vieilleries, et moi, j'adore. C'est plus... ça va rejoindre un peu ton livre. C'est JRPG, c'est quoi un JRPG, c'est quoi un genre, en fait. Et finalement, cette désignation, elle est obligatoire parce qu'elle est d'usage, on s'en sert tous. C'est beaucoup plus facile de désigner un jeu par son genre grossier. Ça, c'est un JRPG, ça, c'est un beat'em all et tout. Mais c'est difficile aujourd'hui parce qu'on est tellement dans un monde d'hybridation des genres, les nouveaux titres, en fait, ils évoluent comme ça, quoi. Ils vont prendre à gauche, à droite. Donc, les cloisonner uniquement dans un genre, et en l'occurrence le JRPG, je trouve que c'est extrêmement dommage. Et par exemple... Tu vois, Yakuza 7 et 8, qui se retrouvent en fait avec un système de tour par tour, se voient désignés comme JRPG, et ça rend ouf, parce que, enfin, moi ça me rend ouf en tout cas, parce que Yakuza, pour moi, ça a quasiment toujours été des JRPG. C'est pas ce système. Ah, c'est ce que j'allais dire en fait, je suis d'accord, j'ai joué à Yakuza 0, je t'ai dit, mais en fait, c'est un JRPG le truc là. Enfin, ouais. Yakuza, non mais pire que ça, c'est Yakuza 1, t'avais ces fameux moments de transition, c'est-à-dire que tu te baladais dans la rue et t'entendais là, t'es le bruit chelou là que tu m'as fait faire tout à l'heure, et tu te retrouvais transposé dans un monde similaire, mais à une arène de combat où tu fritais tout le monde, certes en mode actif, tu vois, en mode action, mais c'était juste... Ah, mais je savais pas ça, mais c'est un JRPG ça. Bah ouais, bah, si, bon, on le rajoute. Si c'est un JRPG, Yakuza, hein, bah c'est bon, ouais, pas de problème. Mais tu vois, certes, c'est vain, hein, évidemment, toutes ces réflexions, mais bon, on est entre nous, donc on essaye de discuter, ça nous fait plaisir, ouais, et tout, bien mais... sûr. C'est compliqué parce que je trouve ça restrictif, moi, et que ça, c'est dommage. Et par exemple, comme un titre comme FF16 qui a beaucoup fait parler, dire mais c'est plus un JRPG, je trouve ça dommage. Et quand Yoshida il est vexé de dire JRPG c'est dégradant, parce que alors lui il a une autre vision et ça serait compliqué, je veux pas étaler le débat plus que ça, mais lui il veut pas être cloisonné à une désignation, il s'en fout, lui il veut faire un Final Fantasy, et Final Fantasy c'est aller toujours plus loin, c'est surprendre, c'est changer la donne, ce qui est chaque Final Fantasy, c'est toujours changer la donne. Et là, désigner ça, c'est plus un JRPG, c'est un jeu d'action, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage parce qu'on s'intéresse pas finalement à ce qu'est le jeu, mais plutôt à comment on le désigne. Et ça me rend triste. C'est dommage. Je comprends. Après, je suis d'accord avec toi. C'est, moi, j'aime bien ces discussions vaines. La preuve, on a écrit un livre. Ah, j'adore aussi. Voilà. Mais par contre, oui, si ça blesse des gens, bon, là, oui, c'est peut-être faut réfléchir un peu. Effectivement, comme tu dis, oui. Là, ça pose plus problème. Après, blessant pour lui, mais presque pour nous qui observons l'industrie, tu vois, je trouve que ça met la lumière pas au bon endroit. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est le jeu, pas comment on va le nommer. Je suis d'accord. Oui, ça, je suis d'accord que ça devrait être secondaire. Oui, oui. Enfin, pour moi, c'est pas un JRPG FF16, mais on s'en fout, c'est pas grave en fait. Ça reste un jeu qui peut être très bien, même en changeant de genre. Ah ben moi, ça m'intéresserait beaucoup de savoir pourquoi c'est pas un JRPG. Mais là, on va vraiment dériver. Ouais, c'est dans le livre, hein, y a pas de transition. Voilà. Voilà, tout simplement. Oui, c'est vrai que toi, t'es très attaché à la transition. Bah, c'est un peu bête comme critère, on est d'accord, hein, mais je pense que ça résume pas mal de choses. Après, en soi, on est d'accord, c'est pas si important, mais je trouve que ça veut dire quelque chose. En tant que tel, on s'en fout. Mais ça fait un moment que les Final Fantasy sont plus des JRPG, du coup. Ah, le 13, c'en est encore un, hein, c'est bon. Le 15, ça n'en est pas. Le 15, on peut discuter un peu plus parce que il y a, tu vois, le 12, ça marche parce que en fait, il y a la musique qui change, il y a les chiffres qui apparaissent. Tu peux avoir peut-être une transition un peu plus fluide. Ça se discute. Dans le 16, c'est le cas aussi, du coup. Il y a des changements de musique, dynamique. Il y a des, tu commences à voir les points, les dégâts, tout ça. Ça peut, c'est particulier. Après, c'est vraiment, t'as passé tout un livre et on a eu de longues discussions tous les deux, justement sur ces points de détail parce que. Et puis, je pense que c'est compliqué de donner une définition dans tous les cas, oui, parce que le genre est mouvant. Ouais, bien sûr. Et heureusement que ça évolue, et ce qui est réel il y a 30 ans ne l'est plus aujourd'hui. Et heureusement, si on avait la même définition, ça serait, je pense, dramatique. Ah, bien sûr. Moi, j'ai hâte que quelqu'un prenne mon livre et dise bah ça marche pas parce que ci et parce que ça, et que ça continue à discuter. Il y a pas de problème. Hein. Après, dans l'approche que tu as eue dans ton livre et ce pourquoi on a beaucoup discuté, c'est que c'est aussi théorique. Oui. Donc, oui. T'es jamais péremptoire. Tu dis pas c'est comme si, c'est comme ça, parce que. Et tu vois, tu dis, tu théo, entre guillemets, et ça, je veux pas du tout donner cet aspect. C'est pas un aspect pénible du livre et tu l'as rendu ludique, mais tu théorises. Oui, bien sûr. Je suis prof de philo, c'est bon. Voilà. Je suis payé pour être chiant. Ouais. Oui, mais tu sais aussi mieux que personne que il faut rester attrayant et ludique en face des élèves. Sinon ah, ouais, bien sûr. Et donc, pareil pour des gens qui n'ont pas l'habitude de se prendre la tête pour pas grand chose, effectivement. Ouais, faut les. Est-ce que tu as voulu faire aussi avec le livre du JRPG, c'est. T'es pas du tout dans la position prof-élève, t'es vraiment dans une discussion asynchrone. C'est-à-dire que on sent dans tes écrits que t'as envie de discuter avec les fans de JRPG, alors dans un moment qui est distordu, hein, parce que toi tu écris le livre, il est imprimé, il y a des mois qui passent, mais tu vas vraiment vers les gens, et c'est pour ça que moi j'ai absolument aucun problème avec ton process, enfin avec ta réflexion dans le livre. Et ça va pas du tout avec ce que j'ai dit sur les gens qui disent ça, ce FF16 par exemple, c'est pas un JRPG, ça m'intéresse pas. C'est pas du tout le même. T'es vraiment dans une discussion. Donc moi, tant que on est dans la, tant que les portes sont ouvertes, moi ça me convient, tu vois. C'est plus quand c'est péremptoire et fermé en disant c'est pas un JRPG, ça m'intéresse pas. Ouais, ce serait terrible. On est effectivement bien d'accord. Et c'est il y a que en discutant avec les arguments qu'on a essayé de construire qu'on pourra avoir des genres soit plus genre du tout, soit des genres plus fluides, quoi. Parce que oui, là, moi, quand tu m'as dit les genres, ça s'hybride, ça n'a pas de sens, ouais, j'ai pensé à Star Renegades. C'est-à-dire que c'est un roguelike JRPG, enfin, on commence un peu à s'y perdre. Oui. Ouais, c'est bizarre. Ah, ouais, bien sûr. Maintenant, t'as des roguelike tower defense JRPG. Enfin, c'est sans fin, mais tant mieux. Ouais. C'est sans fin, mais tant mieux. Et justement, vu qu'on parlait de l'approche théorique et de l'analyse, est-ce que avec les médias de jeux vidéo, vu que toi, tu en as un avec ton podcast et que tu parles de jeux vidéo, même si c'est sur des médiums, comme tu disais, asynchrone avec un temps plus long avec les livres et ta maison d'édition. Est-ce qu'il y a des façons de faire dans les médias de jeux vidéo que tu essaies d'éviter, toi en tant qu'éditeur, quand tu orientes tes auteurs ou quand tu réfléchis à un projet? Ou alors, est-ce que dans les émissions que vous sponsorisez avec Ferd, parce qu'il y a plusieurs podcasts, émissions et tout, dont vous êtes partenaire, tu dois faire un choix éditorial? Du coup, c'est quoi les trucs que tu essaies d'éviter? Alors, le truc que j'essaie le plus d'éviter avec les livres, ça a influé aussi ma façon de faire avec les émissions en podcast. C'est-à-dire, c'est de ne pas être dans la trend. Il ne faut pas être dans la mode. Et éviter d'avoir une posture... parce que c'est comme ça qu'on pense aujourd'hui. Dans les livres et dans l'édition, c'est des temps tellement longs que ce qui est à la mode aujourd'hui et quand ton livre sera en librairie dans 4-5 ans, ben, n'aura absolument plus aucun rapport avec la mode actuelle. Et que ça soit la bien-pensance ou la réflexion théorique. Tu vois, ce qui est bon de penser aujourd'hui, je dis n'importe quoi et gardons le même exemple, ce qui est stylé de penser aujourd'hui, FF16 n'est pas un JRPG, quand dans 5-6 ans, il sera réhabilité, ce qui sera sûrement le cas, par exemple FF13 ou ce genre de truc, bah, du coup, tu as voulu être stylé quand tu as écrit ton livre, bah, c'est quand même plus d'actualité aujourd'hui. Et en fait, moi, ce que j'engage beaucoup, et tu me diras si c'est quelque chose que j'ai réussi à te communiquer avec ton bouquin, c'est d'être toujours dans la mesure, de toujours prendre le bon, le pour et le contre, et de ne pas être dans la trend. Parce que il faut être... dans l'édition intemporelle, et c'est ce qu'on essaye de faire aussi et plus difficilement dans les podcasts. C'est-à-dire que on a plusieurs émissions, on a plusieurs formats, mais on a notamment notre hebdo actu jeux vidéo, et là t'es dans l'actu chaude, et rester un petit peu suffisamment à distance pour justement pas être dans la mode, c'est ce que j'essaye en tout cas. Je sais pas si on y arrive, mais c'est ce qu'on essaye. Je comprends aussi, c'est une bonne... une bonne posture, je pense. Et oui, si tu me l'as communiqué, rien que par des trucs très bêtes de rédaction, quoi, de les repères absolus et pas relatifs, et trucs comme ça, t'es là, oui, bah oui, c'est vrai. C'est tout bête, hein. Non, mais oui, mais rien que ça, t'es là, bah oui. Je ne peux pas avoir un point de vue immédiat et ancré maintenant dans l'époque et tout. Donc, ouais, rien que ça commence par là, et après, effectivement, ça va jusque dans l'optique que tu vas avoir. Après, elle sera forcément datée, et tu peux pas non plus t'extraire du moment où t'es, mais en tout cas. Forcément. Ne serait-ce que par des exemples, tu vois, on est tous animés et on alimente nos réflexions par des exemples qui nous viennent en tête. Moi, le premier, tout à l'heure, tu me demandes le pire JRPG, j'ai rien trouvé de mieux à te donner que le dernier que j'ai fait. Oui, bien sûr. Et on est comme ça, plus vivace avec ce qui se passe actuellement, mais il faut lutter un petit peu contre, quoi, je pense, c'est mieux. Ouais, non, effectivement. Et justement, on parle du livre qu'on a fait ensemble, on parle des émissions que tu fais. Le livre qu'on a fait ensemble, c'est parce que je t'ai envoyé un mail très bête et méchant en te proposant le livre sur le JRPG. Et tu m'as dit, tu connaissais déjà à niveau supérieur, ce qui est fou parce que quoi que le podcast soit officiel, il est très très petit. Donc c'est-à-dire que tu consacres beaucoup de temps à la veille en fait, et à même à écouter des émissions un peu indées, un peu fauchées entre guillemets. C'est un truc qui tient à cœur parce que tu viens du fanzine, peut-être. Exactement, un petit peu, mais c'est parce que c'est aussi une grande partie de mon travail. C'est-à-dire que je suis éditeur, donc mon job, c'est aller recruter des auteurs et les mettre en lumière pour qu'ils écrivent leurs bouquins et qu'ils prennent un petit peu l'envol. Et c'est toujours plus intéressant d'aller dénicher quelqu'un qui est peu connu ou pas connu du tout que de prendre le journaliste numéro 1, bien qu'on travaille avec chez Sir les plus grands. Hein. Tu parlais de Patrick Helio tout à l'heure, il a notamment signé, tu vois, il y a quelques semaines, un livre, enfin dans quelques semaines. La 64, c'est longtemps, c'est parce qu'on a fait un podcast sur la 64. Tu vois, je m'emmène. Mais Patrick Helio, tu vois, les plus grands, on les a signés. Ouais, on bien les sûr. Signe encore. Et on les signera. Et on est très potes avec eux. Mais il y a une autre forme de fierté et de... d'aboutissement, d'aller chercher des gens ou de dire oui à la bonne occasion. C'est vrai que toi, tu es venu vers nous, mais si j'avais pas connu ton podcast ou si j'avais pas pris la balle au bon, au moment de ton mail, j'aurais raté un super auteur, une bête de plume, ton livre, je l'adore vraiment et je l'ai suivi personnellement en plus. Ouais, merci. Donc ouais, c'est une partie, c'est vraiment une partie intégrante du boulot d'éditeur que d'avoir cette veille la plus complète possible. Et c'est méga dur, quoi, parce que les podcasts, il y en a plein, des chaînes YouTube, il y en a plein. Il y a quelques années, quand on a commencé, parce que ça va faire 13 ans, 14 ans. Oh la vache. Bravo. Dans l'édition, le fanzine, c'était... Merci, mais le fanzine, c'est encore plus longtemps. Mais tu vois, parce que le fanzine, c'était... On a décidé de le faire pour l'année de nos 20 ans, et j'en ai 40 cette année. Donc tu vois, ça fait 20 ans, on va dire, qu'on essaye d'écrire pour le jeu vidéo, à travers le fanzina au début, et après sur Internet, et après professionnellement. Mais ouais, fut un temps, t'avais les organes de presse, papier, t'avais un peu de web, alors tu savais très bien en fait qui était le plus à même d'écrire un bouquin sur tel sujet ou tel sujet. C'était beaucoup plus facile, c'est clair. Et ouais, or aujourd'hui t'as des auteurs, alors tant mieux, parce que on a plus de livres, on a plus de potentiel et c'est pour le meilleur, mais c'est quand même beaucoup plus difficile d'avoir un regard panoramique, surtout ça, quoi. Ça, c'est plus chaud. Bah ouais, s'il faut un chaudron. Pardon. <C'est>... Je l'ai pas eu tout de suite, mais pas mal. Mais non, mais je sais même pas comment tu fais pour retrouver les plaintes. Parce que du coup, 20 ans d'expérience dans le monde du jeu vidéo, je parle à un monument en fait. Excusez-moi, monsieur El Ganafi, je suis désolé. Mais même moi, dans le podcast, je peux le remarquer quand je faisais la fucking kermesse en 2012 et qu'on était un des podcasts les plus écoutés parce qu'il y avait pas de podcast en fait. Mortel. Enfin, les plus écoutés, j'exagère, mais on avait 2000 écoutes quoi. Aujourd'hui, jamais je fais ça avec un podcast, tu vois, c'est impossible. Mais comme tu dis, il y avait personne en fait. Du coup, c'était facile. Et comme tu dis, même pour trouver des gens, c'était pas dur. On était 20 pélos à parler de pop culture. Donc, C'était une autre époque. Ouais, c'était une autre époque, effectivement. en tout cas, chapeau pour la veille que tu fais, du coup, pour avoir trouvé niveau supérieur. Je sais pas comment tu fais, mais c'est fou. Et j'ai hâte. Qu'il y ait des nouveaux épisodes là, donc je vais pas réécouter mon interview, mais les prochains, moi j'apprécie beaucoup, et j'apprécie d'autant plus par la performance de parler tout seul, tu vois. C'est vrai que moi j'ai quelqu'un qui me donne le change, j'ai Nico tout le temps avec moi, et voire mieux, j'ai des invités, des auteurs, avec quand on est toute la team, on est 5, donc t'as vraiment... Ouais, pour les faire de EX, c'est ça, c'est une fois de temps en temps. Ouais, alors j'ai pas la nomenclature de nos podcasts, c'est les Third Strike, les EX, c'est ceux où on parle du début à la fin de tous les jeux, c'est compliqué. Ah ouais, ok, oh là, pardon. Ouais. Mais non, mais je t'en prie, je sais que c'est pas évident parce qu'on a 6 formats, mais toi t'es tout seul, tu vois. T'as ton micro, t'as ton sujet, et vas-y, go quoi. Et c'est quand même. Je pensais vraiment que ce serait casse-gueule et ça a l'air de passer, mais ouais, c'est une idée en bête hein, sur le papier. On est d'accord. C'est beaucoup, le podcast, c'est agréable quand t'échanges. Donc là, c'est pour ça qu'il dure pas longtemps les épisodes. Et je fais des blagues de montage pour pas faire passer le truc. Mais ouais, c'est. Ouais, mais au contraire, tu vois, c'est vrai que le podcast, c'est quelque chose qui est habituellement en groupe et c'est agréable pour ça. Mais moi, j'écoute tes émissions avec le même plaisir que les autres. Et pour autant, t'es tout seul. Donc, et franchement, ils sont rares les gens qui arrivent à faire ça. Moi, j'ai en tête Lamua. Qui a eu des formats, alors là il est surtout sur Twitch en ce moment, mais il a eu des formats où il était tout seul, il est passionnant à écouter, tout comme toi, et franchement c'est un exercice vraiment particulier, c'est une sous-classe de podcast. Ouais, c'est gentil, il y a Gotos aussi qui fait qu'on peut écouter un podcast même s'il est sur Twitch, avec la matinale JV, et il y a aussi Tetril qui a lancé un podcast de JRPG justement. C'est vrai, il y a, Tetril, pas longtemps, là, l'entre du match bleu, donc maintenant on peut dire qu'il y a deux podcasts de JRPG français. Donc, il fait même de l'actu à la caravane du JRPG. Ouais, c'est vrai, t'as raison, il vient de commencer ça en 2024. Ouais, bon, on le salue parce que bon, il est grand fan de JRPG aussi et c'est trop bien ce qu'il fait. Ouais, clairement, non mais... Je trouve ça vachement agréable, comme toi, c'est un peu frustrant de devoir faire de la veille, mais justement, j'ai fait une interview il y a 2 jours, je crois, sur le podcast Indécent, qui sont un truc de rôliste aussi. Et, il y a plein de petites émissions qui, chacun fait son petit truc dans son coin, parce que, en fait, tu sais que tu vas pas devenir Squeezie, du coup, tu le fais par passion, t'es dans ton petit truc, t'as 300 écoutes et tu fais ton petit kiff, quoi. Du coup, on veut un peu retrouver, malgré l'explosion des médias, une petite part d'indé, parce que, c'est des gens qui font ça qu'ils aiment bien et ils savent qu'ils auront pas de Patreon et j'en sais rien, je les connais pas, mais on fait nos trucs dans nos coins quoi en fait, et c'est trop bien. Ouais carrément. Et c'est beau, et c'est pour ça qu'on va passer au moment émotion, parce qu'on a déjà dit beaucoup de choses magnifiques là. Et justement, qui dit émotion dans les JRPG dit musique. C'est quoi ton thème musical préféré dans les JRPG? Bon, j'ai gardé ma constance, je vais vous parler de FF7, mais j'ai toujours je vais vous dire deux trucs. Donc, en plus, c'est Bombing Mission, donc c'est vraiment l'amorce de FF7, mais cette musique me rend ouf. Hein, elle est trop bien. Il mais aujourd'hui encore, tu vois, franchement, j'y pense tout le temps, je la fredonne tout le temps, ça rend taré. Et je l'adore malgré tout, tout autant que quand je l'ai découverte. Elle est complètement incroyable, mais pour changer de FF7, je vais vous parler de Bravely Default. Donc là, en plus, c'est composé par Revo, donc pas forcément un Jap, mais c'est, il a fait une musique qui s'appelle You Are My Hope, donc Tu es mon espoir. Et en fait, c'est une chanson qui est courte, qui dure 1 minute 30, et qui se déclenche que quand, en fait, tu vas avoir une limite qui part, que t'es à deux doigts de crever, et que c'est le mode, là, il faut c'est le dernier moment pour que tout le monde soit sauvé, quoi. Et c'est une espèce de chanson, mais ultra galvanisante. Tu peux la mettre pour sortir les poubelles, t'as l'impression que t'es un héros et que tu vas sauver la Terre. Elle est ouf, c'est une espèce de montée. Donc voilà, c'est le mode, c'est la dernière limite, c'est le dernier espoir. T'es face au boss et tu vas crever, t'as une attaque à faire, c'est maintenant. Et là, t'as cette chanson qui part et c'est vraiment une grosse dinguerie. Je sais pas si t'as fait les Bravely Default, mais c'est très classique. J'y ai joué un peu, c'était comme tu dis classique, mais quand même plutôt sympa. Et je me souviens pas de la chanson, de toute façon on va mettre un petit extrait des deux. Je sais pas si je mettrais pas Bombing Mission, une petite reprise orchestrale, on verra. Mais façon remake, quoi. Ouais, voilà, par exemple. Mais celle-ci, je l'ai pas en tête, mais c'est trop bien qu'il y ait une musique réservée à ces moments-là, quoi. Parce que c'est des moments stressants, épiques et tout. Donc je comprends qu'elle te tienne à cœur. C'est mieux que l'insupportable bip bip des Pokémon quand t'as plus de PV, ouais, ça, j'imagine. Mais là c'est vraiment en mode t'as la limite et tu lances tes dernières attaques et c'est des moments très précis. Mais en tout cas sur niveau composition et musique, dès que je peux le caler je le cale, donc je vais vous en parler une seconde. C'est Nichiki, c'est le compositeur de Octopath Traveler, qui est pour moi un génie humain. Et chez Square Enix, moi j'attends qu'une chose, c'est qu'ils prennent la main sur un FF ou sur un gros jeu. Et donc Nichiki, c'est vraiment, écoutez Octopath Traveler 1 et 2, en tout cas les OST, et la 2 est sublimissime, sortie l'année dernière. C'est ouf, c'est vraiment incroyable, vraiment. C'est vrai que vous avez aussi un podcast de musique de jeux vidéo chez Third, du coup, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et ouais, je mettrai un petit extrait de... C'est vrai qu'Autopass, ils ont des super musiques, quoi, donc c'est bien de le mettre en avant. Et est-ce que du coup, avec de telles musiques, t'as déjà pleuré devant un JRPG ou jamais? Jamais, mais jamais devant un jeu vidéo même. Et j'en suis très triste parce que ça m'arrive de le faire devant des films et tout, mais un jeu vidéo, jamais. Et je suis deg, parce que je sais pas pourquoi. C'est pas une question d'interaction, d'implication, je sais pas, je saurais pas l'expliquer, mais ça m'est absolument jamais arrivé, mais même pas proche, tu vois. Ouais, ouais. Ça t'est arrivé souvent, ça? Une fois, du coup, avec dans FF9 quand j'étais petit, avec le Loss of Me, dans Roses of May, et Beat qui pense mais peut-être c'est pas bien, hein, sur son bateau là. Et après, sinon, dans Brothers Tale of Two Sons, je pense, où j'ai lâché ma petite larme au moment de gameplay dans la rivière là, où t'appuies sur le bouton et tout, t'es là waouh. Ah, dis rien, on sait jamais, il y a le remake qui sort bientôt, donc je biperai. non, mais t'en as pas dit assez, mais c'est vrai que ce moment tout particulièrement, c'est un moment incroyable de game design, quoi. Ah ouais, non, c'est fou. Absolument ma boule. Mais ce jeu, t'as raison, c'est une... Enfin, émotionnellement, c'est vraiment... Ouais, surtout que là, j'étais triste à cause d'un truc d'interactivité, quoi. Là, c'est le gameplay qui m'a rendu triste, donc c'est trop fort, quoi. J'ai appuyé sur un bouton et j'avais une tristesse immense, quoi. C'était fou. C'est quand même très très bon exemple. Ouais. Et ton Bahamut, alors je vais pas spoiler ton livre, mais il y a toute une histoire autour d'un Bahamut, tout ça, avec des gens qui sont compliqués à tuer, où tu racontes dans le bouquin. T'avais pas pleuré à cette époque-là? Non, là j'étais trop content par contre. Non, mais je parle aussi dans le livre du moment où j'ai pleuré sur Beat, ouais, et je pense que c'est clairement lié à Roses of May, de la musique au piano de Eboué Matsu, là. Je pense que c'est les petites notes de piano qui m'ont rendu mélancolique. Quoi. Et maintenant, je l'écoute souvent, cette morceau. C'est un peu mon Bombing Mission à moi, je pense, hein, mais je l'écoute souvent aussi. Hein. Et là, on parle justement de jouer à un JRPG. C'est quoi ta session idéale de jeu pour le JRPG? Un fantasme un peu de « Ah là, je vais jouer à un JRPG ». Tu t'imagines à quel moment, à quel âge, où? Alors c'est trop marrant parce que quand je pense à une session de JRPG, et même pas aujourd'hui, tout de suite, je me projette ma chambre, l'adolescence, la préadolescence. Vraiment, ouais. Tu vois, t'as 12 ans, 13 ans. Et c'est vraiment ce rapport que j'ai au JRPG, alors que c'est l'un des genres auquel je joue le plus aujourd'hui encore. Et transposé à aujourd'hui, et c'est vrai que c'est une tradition, même si j'ai pas un JRPG d'actu, c'est l'été, quoi, les vacances. Vacances d'été, vacances de Noël, c'est alors quel JRPG va être mon JRPG des vacances. Et t'as vraiment cette transposition à l'enfance, parce que c'était le temps du temps long, quoi. C'est qu'on n'avait pas trop de soucis, on avait surtout le temps de bourrer les heures et on s'en foutait complet. Et moi, à l'époque, j'aimais beaucoup le VL. Donc, c'est quelque chose qui se fait plus du tout. C'est-à-dire, hormis Dragon Quest, on va dire. Parce que c'est pas quelque chose qui est compatible avec ce qu'on appelle aujourd'hui la qualité de vie. C'est que non, il faut aller vite. Il faut que les niveaux, tu les gagnes de façon fluide, continue. Il faut pas que tu sois stoppé. Il faut pas qu'il y ait de friction, en fait. Il faut pas que tu t'arrêtes parce que ce monstre, il est trop fort et qu'il faut que tu ailles le VL. Et moi, j'ai cette nostalgie-là du moment où, t'es pas assez fort, là. Là, il faut que t'ailles lever, et c'est pas 20 minutes, il faut que t'ailles lever quelques heures et tout. Et c'était un temps où on avait le temps, quoi. Donc, forcément, un petit peu de nostalgie, ouais. Non, je suis d'accord avec toi pour les vacances, hein. Ouais, les vacances d'été, surtout, je m'imagine baisser mes volets et disparaître, quoi, clairement, là. Mais du coup, est-ce que le plaisir que tu prends au JRPG, il est ancré dans la nostalgie, ou est-ce qu'il y a autre chose qui fait que t'aimes tes sessions de jeu, l'expérience de jeu liée au JRPG? Alors, évidemment, hein, la banalité, le scénario, la puissance musicale qu'il y a autour des JRPG, la force des personnages, évidemment tout ça, mais il y a un truc que j'aime bien dans les JRPG qui est assez commun aussi aux autres genres de jeux, mais qui est vraiment plus important dans le JRPG, c'est la propension que tu as à sentir la progression de ton personnage. Genre, plus les heures passent, plus tu sens que ton personnage ou tes équipes, en fait, sont de plus en plus forts. Et tu vois, je te dis, ouais, j'aimais bien leveler. Tout à l'heure, je te disais, ah ouais, moi j'adore le buff des buffs. C'est, je sais pas, je dois avoir un truc à compenser quelque part. Mais d'éclater les monstres en face de moi, t'es mais très très fort, je kiffe de ouf. Mais j'aime pas les modes faciles, tu vois. Genre, je joue jamais en mode facile parce que c'est le mode qui est facile. Alors que moi, je veux casser le jeu. Je veux le briser de mes propres. Moi tout seul, tu vois. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os. Je vais te boire ton sang. Viens. T'as dit à tout le monde que t'allais me trouver, alors viens maintenant. Je t'attends. On est ici, on est sur le terrain. Espèce de grosse salope que tu es. T'es une chouin, c'est tout ce que t'es. Ouais, forcément, faut que j'aille voir un psy où il y a un truc derrière. Mais j'aime bien ce délire. Comme dans tu parlais de mid-maxer tout à l'heure. Alors, c'est pas mon délire, mais dans les Star Ocean, tu peux casser les jeux, en fait. Et ça, je kiffe, quoi. Tu peux briser les jeux parce que t'as beaucoup... pas d'alchimie, mais tu peux combiner les objets, tu peux en créer d'autres. Et si t'es un peu malin, tu peux exploser le jeu parce que les devs l'avaient évidemment prévu chez Treyarch, mais ils ont laissé ça. Ils ont laissé cette porte ouverte de « Vas-y, tu vas tout défoncer parce que t'as compris que si t'avais cet objet avec cet objet, que tu le mixais à tel moment du jeu, bah, ça n'a plus rien avait de sens. » Et ça, je kiffe. Et donc, du coup, ce sentiment de progression... Ce sentiment qu'à la fin tu vas écraser tout le monde et jusqu'au dieu, parce que bah, les JRPG, bah, à la fin tu te bats forcément contre des représentations de déités. Ouais, moi c'est ça que j'aime bien chez les JRPG. C'est un peu de le dire, je l'avais jamais formulé, mais c'est bizarre en fait. Merci. Non, mais est-ce que du coup un God of War te fait ressentir à la montée en puissance comme ça, ou il y a un truc spécial? Non, pas trop. Parce que là aussi, hein, t'auras une meilleure hache, t'auras une armure plus forte. Ouais, t'as raison, mais pas trop. Il y a ce délire aussi du tour par tour, mais ça marche avec l'action RPG. C'est ce côté, tu vois, t'es statique, t'es stoïque face à des personnages qui sont devant toi, ils te frappent, ça me fait rien. Toi, tu vois, ce côté vraiment impassible parce que bah, t'as levelé, parce que t'as fait les bons choix dans ton jeu et tout, et finalement, à la fin, t'es surpuissant. Je sais pas, il y a un truc. Non, je comprends. Bah, en fait, vu que s'il n'y a pas le spectacle du mouvement, forcément, tu t'es renvoyé aux stats. Et du coup, bah, si les tiennes sont plus grosses, ça ne va rien te faire. Ouais. Donc, c'est là que tu peux sous-peser le poids de tes heures, effectivement. Ouais. Clairement. C'est un peu ça. C'est un peu l'investissement. Mais ça revient un peu à ce que je te racontais tout à l'heure avec ce délire de plante, quelque chose qui est gagne en force, mais de façon longue et imperceptible. Hein. C'est dur de voir une plante pousser, tu vois. Ouais, mais à la fin, elle est quand même plus grande et elle est quand même super puissante. Alors, Il y a des choses qu'on y cède au final. Tout passe par les plantes. Les plantes, c'est tout. Il y a tout. Dans les plantes, il y a tout. On y cesse, nous. Le JRPG, c'est un peu ça, quoi. C'est que tu vas accumuler des heures et puis finalement gagner un point de force. C'est quoi un point de force sur des stats ? C'est rien. Mais après 70 heures, bah, tu verras que tu tapes plus à 23, tu tapes à 9999. Et c'est un petit peu ce délire-là, ce côté tout doux, tout doucement et pour gagner en force. Ouais, je comprends, c'est pas mal, c'est une bonne réponse. Et est-ce que tu arrives à ressentir ce plaisir que tu as et que tu viens chercher, alors même que, en fait, dès que tu joues à un jeu vidéo, et à un JRPG peut-être encore plus particulièrement, bah tu vas soit plus tard être amené à éditer un livre qui va en parler, ou faire un podcast qui va en parler. Est-ce que du coup tu arrives encore à kiffer de façon pure, ou est-ce que vu que ça va être du contenu, alors c'est un mot horrible, hein, mais en tout cas que tu vas t'en servir, tu dois forcément être dans l'analyse. Parce que je sais que moi pendant le livre, c'était dur de jouer pour le plaisir, j'y arrivais pas trop. Je jouais pour réfléchir à ce que j'allais dire, quoi. Ouais, bah, ça fait tellement longtemps que c'est systématique, quoi. C'est vrai que les jeux vidéo maintenant je les regarde comme ça, mais ça me dérange pas. C'est pas, tu vois, je suis pas à me dire ah t'es trop dans la suranalyse et puis t'arrives pas à décrocher. Le plaisir je le prends comme ça, donc c'est naturel. Mais de transposer ce plaisir de progression à mon métier dans l'édition, qui est encore une fois un truc sur le temps long, ben en fait j'y vois un parallèle, quoi. C'est que c'est vrai que c'est long de faire un livre, c'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de discussions avec les auteurs, et finalement le résultat il arrive que des mois voire des années après. Et quand tu ouvres un fichier Word et que tu écris une ligne, c'est pas grand chose, mais au final quand tu as 700 800 000 signes et que tu as un bouquin entre les mains, et ça, bah, tu peux nous en parler. C'est vrai que la sensation, elle a rien à voir, et il a fallu des jours, des mois entre. Et c'est en fait, tout ça est très très long. Donc, mais c'est marrant, tes questions sont hyper bien tournées. J'avais pas du tout moi-même vu en fait, la corrélation que je pouvais faire entre chaque point de mes réponses. Mais en tout cas, merci. Je sais pas si je dois payer maintenant. ta consultation est à combien ? 75 euros ? Non, c'est bon, tout va bien. en plus, moi j'ai un peu fait ma thérapie aussi dans le livre, donc on est quitte. Tout va bien. Bah écoute, tout va bien. Mais non, t'as raison. Mais en plus, t'as écrit aussi, toi, un peu au début chez Third. Ouais. Donc tu connais ça aussi, ça te manque pas trop d'écrire, non ? Un peu, alors ça m'a manqué, et pour te... Ouais, j'ai pensé même écrire le bouquin sur FF7 Remake au tout début, hein, quand on n'avait pas trouvé Pierre, mais c'était pas compatible avec notre quotidien aujourd'hui d'éditeur, et en fait ce sentiment, on a essayé de le réfréner, et naturellement on a trouvé ben, un porte-voix avec les podcasts et avec notre actu, enfin notre hebdo. Toutes les semaines on a moyen de parler du jeu vidéo et des jeux vidéo qu'on aime. En plus on fait nous-mêmes notre programme, donc ben, cette frustration elle s'est 100% effacée, quoi. C'est que, ben, ouais, en plus tu peux faire des chroniques, tu as déjà entendu parler de JRPG, de son avenir, de etc, donc tu as l'occasion, ouais, de toi-même rebondir sur et de proposer tes pistes de réflexion aussi, du coup. Donc. Exactement. Donc ouais, la frustration, elle s'est effacée. Et puis aujourd'hui, je prends tout autant de plaisir à accompagner les auteurs et à voir les projets publiés. Non, c'est le kiff est similaire, quoi. C'est beau. Justement, en parlant de kiff, c'est quoi ton prochain JRPG ? Est-ce que c'est FF7 Remake ou est-ce que c'est autre chose avant ? Enfin, non, là, il y a une trilogie des RE, là. T'as Reload, Persona 3 qui va sortir, après c'est t'as vrai. Relink, t'as Grand Blue Fantasy Relink qui sort, et après t'as Rebirth, donc t'as les trois re, Relink, Rebirth, Reload, donc je vais commencer par Reload, il sort dans 15 jours, là j'ai la chance de pouvoir en plus pouvoir m'y mettre tout de suite, parce que avec la quotidienne, mais l'hebdo, on est en contact avec les éditeurs, donc c'est chouette, on a les jeux en avance. Donc ouais, c'est P3, après Grand Blue et après Rebirth. Mais ça va être une super année de JRPG. Bien. Moi, je sais que j'attends beaucoup Fantasio, nanana, là. Ah non, mais lui, franchement, lui, je pense qu'il peut prendre la star à tout le monde presque, même plus que Rebirth. Je le sens trop bien, vraiment. Ah, je j'espère, le sens trop, hein. Ouais, j'espère. Ouais, Re-Fantasio, ouais, c'est un autre re, t'as raison. Il y a encore c'est vrai. Ah la vache, c'est l'année des re. Ouais. Non, ça va être... c'est une magnifique année pour le JRPG, c'est trop bien. Non, c'est vrai que ça va être pas mal 2024. Ouais. Et en plus, moi, j'attends un petit jeu indé qu'on n'a pas vu venir et qui... Voilà. Hein. Je sais pas, j'ai pas joué à Small Saga, là. Je sais pas si tu y as joué, toi, fin 2023, non. Là, mais... Pareil, j'aimerais m'y mettre aussi. Et... Ouais, c'est celui-là que t'as dans le viseur, toi ? Là, je joue Fantasion, déjà. Je joue à Tales of Zestiria. Comme ça. Donc, ouais, non, je suis perdu dans mon petit coin, moi. J'ai pas de PS5, donc j'aimerais faire FF7 Remake, enfin Rebirth, mais bon, bah, il faut se doter d'une console, quoi. Donc c'est pas pour tout de suite, je pense. Et du coup, tes sessions de jeu vont dicter les prochains épisodes de niveau supérieur ou, bah ouais, prendre... s'il y a un épisode qui sort, ce sera soit Fantasion, soit Tales of Zestiria, ou bien je sais qu'il y a des petits jeux plus courts que je pourrais faire si jamais je veux sortir un épisode. Il y en a un, je sais pas si tu connais, Get in the Car Loser de Christine Love, qui est un JRPG. Un D, c'est un genre de road trip entre lesbiennes, hyper coloré et en JRPG. Et ça dure 8 heures. Et c'est incroyable. J'ai déjà joué un petit peu. Et je sais que ça, bon, je peux peut-être me faire un week-end si j'ai la motivation et je veux faire un épisode, quoi. Donc, il y a de quoi faire. Et ouais, ça, c'est pas. Moi, j'aime trop les. Enfin, j'aime trop. Je m'y connais pas encore assez, mais je veux faire des petits jeux indés qu'on connaît pas dans les JRPG. Ça me frustre un peu qu'on tourne autour des 10 noms constamment, quoi. Des mêmes 10 mêmes noms, quoi. Ouais, je comprends. Mais la scène indé, en plus, qui s'intéresse vachement au JRPG, elle est complètement ouf. Là, cette veille-là, en revanche, moi, j'ai du mal à la tenir, quoi. C'est vrai que avec l'hebdo d'actu, ah, tu m'étonnes. Mais là, je reste plus sur les grands noms. Après, je vais pas te mentir, moi, c'est plus ce que je préfère. J'aime bien les gros trucs de bourrin, les grosses licences, les FF, les Tales of, les Drakoué, j'adore. Même si mon GOTY de l'année dernière c'était Sea of Stars, donc si je peux le caler, c'est quand même un jeu indé, pas japonais, mais 100% JRPG dans l'âme, et que je trouve exceptionnel dans sa construction. Vraiment, en termes de level design, c'est-à-dire que ce que sont les donjons de Sea of Stars, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi bon, en fait. C'est que c'est ludique, il y a des systèmes marrants, des mécaniques partout. T'es pas simplement à traverser un donjon, en fait, t'es en train de jouer un pur jeu vidéo où tu vas devoir sauter, réfléchir à une petite énigme et tout. C'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie, et j'espère qu'il va faire école et que d'autres vont lorgner vers lui, parce que c'est vraiment très très très bien, quoi. C'est bon, j'ai hâte de le faire aussi, mais j'attends un peu ce que Chain Echoes m'a retourné, donc je veux pas les comparer. Faut que je laisse un peu passer de temps pour que prendre Sea of Stars comme il se doit, quoi. Ouais, ils sont tous les deux. Ils sont tous les deux dans la même veine des JRPG pas japonais, mais très modernes, c'est-à-dire qu'ils ont un regard, donc ils ont un pied dans le passé parce que très nostalgique, mais qui ont un regard vers le futur avec des mécaniques ultra modernes, de la qualité de vie, des choses hyper novatrices, les deux. Mais Chain Echoes, il est plus dans l'esprit fin 90, avec un scénario qui est très... Oh, tu l'as fait, mais tu vois, un scénario qui est très sombre, qui est très deep, qui va aller chercher des grandes théories philosophiques, qui va te faire réfléchir au sens de ta vie, alors que Sea of Stars, pas du tout. Il va plutôt chercher dans le début des années 90, dans Secret of Mana, dans quelque chose qui est plutôt enfantin, coloré, quelque chose qui est plutôt ludique et... rapidement appréhendable, tu vois, c'est que tu comprends et t'es bien, en fait. Ah, j'aime bien, c'est coloré, ça fait plaisir. C'est quand même pas exactement les mêmes temporalités de la nostalgie du JRPG, quoi. Ok, donc, non, mais ça peut ça, en fonction du mood, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois, si t'es ça peut faire le taf. Mais trop bien. Et bah, pour finir, est-ce que toi t'as envie de nous parler d'un truc, faire ta petite promo? Qu'est-ce qu'on attend du côté de Third, alors que ça soit un bouquin ou un podcast, ce que tu veux, maintenant que les gens ont appris à te connaître, sont passés outre les aspérités, maintenant tu peux leur vendre ce que tu veux, ils sont à toi là. Non, mais pour ce qui est des émissions, en tout cas, voilà, chez Third, on a 6 formats. Hein, donc, on parle d'analyse musicale, de mixtape musicale. On a des épisodes où on a tout notre team, des épisodes où on va parler des jeux du début à la fin. On a cette hebdo, donc, qui s'appelle Red Alert. Il y en a, on essaye d'avoir un contenu assez diversifié. Et c'est minimum une émission par semaine, voire deux, mercredi et vendredi. Et sinon, pour ce qui est du versant édition, des bouquins, ben, on en sort en fait tous les mois un ou deux c'est fou, hein. Livres par mois. Donc on a une production qui est assez intensive. Donc là, ben, on est, j'ai une audience JRPG, donc je m'adresse à eux. C'est que ben, je conseille évidemment ton bouquin qui s'intéresse au genre JRPG. J'espère qu'ils l'ont tous déjà acheté deux fois. Sinon, j'espère, mais je remets une couche quand même. Mais vraiment, donc évidemment celui-là, et puis en même temps on a quand même sorti le livre de Pierre Lovati qui était sur FF7 Remake. Je pense que pour préparer Rebirth, il n'y a rien de mieux. Donc, c'était un bon moment pour le sortir, mais c'était malin. Ouais. Parce que 2-3 mois avant, t'as le temps de le lire, t'es prêt. Donc oui, je vais pas aller plus que ça dans la promo. Si vous êtes fan de JRPG, on a moult livres sur... Bon, ça va de Xeno, il y a tout. On parle vraiment en Suikoden. Voilà, cette année, ça sera aussi l'année de Eiyuden Chronicle. Donc, voilà, les pères de Suikoden qui se sont émancipés. Donc, on a un bouquin Suikoden, on a un bouquin SMT, on a un bouquin Persona. Pendant les soldes du Black Friday, j'ai acheté des livres chez vous, d'ailleurs. J'ai acheté celui sur FF9 et un Level Up sur Legend of Dragoon, je crois. Donc, ouais. Non, il y a de quoi faire. Et là, il y a Golden Sun qui est sorti, je crois, un plus petit format, Level Up. Ouais. Donc, ouais. C'est un ludothèque. Ah oui, pardon. Non, je t'en prie. C'est un format, en fait, qui fait une centaine de pages, mais quand même couverture cartonnée, donc qu'on veut assez quali, mais en fait qui est un livre cadeau, qui est là pour récompenser les lecteurs qui commandent sur notre site. Et commander sur notre site, c'est nous aider, en fait. C'est vraiment quasi un geste militant, hein. Donc aller en librairie et soutenir vos libraires préférés, mais acheter sur notre site, c'est nous permet de court-circuiter toute la distribution, donc la part la plus importante du prix d'un livre. Et donc acheter sur notre site, c'est nous donner quasi 100% du prix du livre. Donc, ces gens-là, on les récompense. Donc, si vous achetez 5 livres sur notre site, on vous offre un bouquin produit et écrit exclusivement pour eux. Donc, vous devenez premium, en fait, on dit ça entre nous. C'est collector, donc, en fait, ces petits livres-là. Exactement. Okay. Et donc, c'est des petits tirages et ça tourne. Il y en a souvent 4 ou 5 de disponibles. Donc, si à votre 5e achat, ça tourne. Il y a plusieurs titres, plusieurs jeux. Et donc, en l'occurrence, en ce moment, on vient de sortir un livre sur Golden Sun en même temps que Nintendo sort Golden Sun 1 et 2 sur Switch Online. C'était pas prévu. Ah ouais, parce que j'ai vu les deux en même temps. Je me suis dit, mais ils sont trop forts chez Third, en fait. C'était vraiment un coup de bol de malade inespéré. Donc, c'est souvent pas le cas. C'est-à-dire que dans l'édition, et je l'ai répété à de nombreuses reprises, le temps long de l'édition, c'est très compliqué au niveau de l'inertie de prévoir les sorties. Et souvent, on sort des bouquins. Alors, je dis n'importe quoi, on a sorti un bouquin sur Indiana Jones, le film est décalé d'un an. On sort un bouquin sur Dune, il est décalé, le nouveau film. Et ça arrive très, très souvent. Ouais. Ça est arrivé pour Jurassic Park, ça est arrivé pour Alone in the Dark. Bah, tu voulais de l'actu, là, en début d'année, on a sorti un livre Alone in the Dark qu'on a dû sortir à la hâte et en fait qui est reporté une fois, et non, qui est reporté deux fois en mars. Et donc, du coup, tu vois, tu sors les bouquins, des fois, c'est pas compliqué, c'est pas évident. Et là, avec Golden Sun, on a eu de la chance. Donc voilà, si vous êtes fan de JRPG et de Golden Sun, on a un petit bouquin pour vous. Trop bien. Bah, merci beaucoup, Mehdi, pour tout ça, pour tes réponses. Très intéressantes. C'était un plaisir. Et puis, merci beaucoup à toi, franchement, pour cette séance qui m'a beaucoup appris sur moi-même. C'est beau. Et puis, merci à toutes et à tous. Et puis, n'oubliez pas, c'est quoi ma phrase de fin? Je sais plus. Bah, n'oubliez pas, en tout cas. Voilà. Allez. Bisous à tous. Retrouver ses racines, c'est la santé des anciens, les plantes c'est les anciens, ils soignaient comme ça. Thank you. Bonus. Trax. Dans les ténèbres d'un lointain futur ou dans les royaumes mortels, il n'y a que la guerre. Mais il y a aussi un podcast, Land Rider, l'émission qui vous parle avec amour du hobby derrière Warhammer 40 000, Edge of Sigmar et leurs nombreux dérivés. Alors si vous avez toujours rêvé de découvrir ces deux mondes ou leurs figurines, retrouvez-nous à bord du Land Rider, L-A-N-D plus loin, R-I-D-E-R, sur vos plateformes d'écoute préférées. Bonus. Trax.